Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le président de la République a nommé les membres de deux organes nationaux qui sont prévus par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Il s'agit de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide ainsi que le Conseil national pour l'unité et la réconciliation. On fait le point dès le début de ce journal. Certains commerçants du marché Kinama se plaignent de ne pas retrouver leur nom sur les listes des bénéficiaires des nouveaux stands attribués au dit marché. Dernièrement réhabilité, les autorités leur demandent d'introduire des recours et attendre des réponses d'ici le 18 janvier. Et le carburant manque depuis 3 jours en province de Gitega. De longues files d'attente se remarquent devant la seule station qui est en train de distribuer de l'essence. Notre correspondant nous le décrira. Et dans le reportage du jour, nous irons en province Chivitoke où la population du secteur Rukana est menacée par la pauvreté suite à la destruction de leurs champs par le soleil et les chenilles légionnaires ayant ravagé les champs de maïs. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Le président de la République a procédé le 29 décembre dernier à la nomination des membres du bureau de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Le bureau est présidé par Jean de Dieu Moutabazi, tandis que Joseph Snabgite et Emerance Bouchoumi sont respectivement vice-président et secrétaire général. L'Observatoire est un organe consultatif, comme prévu dans la Constitution burundaise de 2005, et parmi ses missions figure celle de suivre régulièrement l'évolution de la société burundaise du point de vue de la question du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. D'autres missions de l'Observatoire avec Léonce Vitalio. À part la mission de prévenir et éradiquer les actes de génocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l'humanité, l'article 274 de la Constitution prévoit que l'Observatoire est également chargé de suggérer des mesures pour lutter efficacement contre l'impunité des crimes, promouvoir la création d'un observatoire régional et un front national interethnique de résistance contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective. L'Observatoire est aussi chargé de promouvoir une législation contre le génocide, les crimes de guerre et les autres crimes contre l'humanité et d'en suivre le strict respect, mais aussi proposer des politiques et des mesures pour réhabiliter les victimes de ces actes. Il doit par ailleurs contribuer à la mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et d'éducation à la paix, à l'unité et à la réconciliation nationale. L'article 275 de la Constitution stipule que l'Observatoire produit un rapport annuel qu'il soumet au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et l'article 276 doit préciser qu'une loi organique détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. Merci Léonce. Ont été également nommés par le chef de l'État 7 personnes qui devraient être membres du Conseil national de l'unité et la réconciliation. Ce conseil est constitué de 2 femmes et 5 hommes. Son président, c'est l'ambassadeur Guillaume Rosovio. Son vice-président, c'est Alice Nzomukunda, présidente du parti ADR. Et le secrétaire du dit conseil est Mgr Justin Zoïsaba, ex-président de la Commission nationale de dialogue interburundais. Certains commerçants du marché se trouvant en zone urbaine de Kinama se lamentent du fait qu'ils ne se retrouvent pas sur les listes des bénéficiaires de nouveaux stands attribués au dit marché. Et le commissaire de ce marché les tranquillise et demande à toute personne qui ne s'est pas vue sur la liste de faire un recours auprès de la commission chargée d'attribuer les stands au niveau de la mairie. Jackson Tuissabe précise que tous les recours auront reçu des réponses d'ici le 18 janvier. Le reportage est signé Arlène Iguinanetza. Nous sommes au marché de Kinahama, dans la ville de Bujumbura, où les habitants regardaient s'ils sont sur la liste des bénéficiaires des stands. Quand la radio Isanganilo est passée, les gens n'ont pas voulu s'exprimer. L'une qui s'est exprimée nous a dit qu'elle avait 2 stands, mais qu'elle ne figure pas sur la liste. Elle ajoute que les uns en ont profité au détriment des autres, de telle sorte que certains ont bénéficié de stands. Jackson Tuissabe, le commissaire de ce marché de Kinahama, les 30 tranquillise en disant que ceux qui ne se trouvent pas sur ces listes de bénéficiaires des stands puissent se confier à la commission chargée de l'attribution de ces stands. Les listes déjà publiées concernent les marchés de Kinama et Rudziba. Le président de la commission chargée de réinstaller les commerçants dans des marchés fraîchement réhabilités précise que d'autres listes seront publiées prochainement. Et dans la suite de ce journal, on parle sécurité. Deux vaches dans certains libères d'Unari, de la zone Bikanga, commune Moukik et de la province Bujumbura, sont mortes ce lundi dans des circonstances non encore élucidées. Bien que certaines informations disent qu'elles ont été empoisonnées, l'administrateur de Moukik écarte cette version. Renova Nimuona indique qu'elles auraient succombé suite à une intoxication alimentaire. Mais que les enquêtes continuent. Suivez ces explications. Oui, en date du 1er janvier 2018, sur la colline Bikanga, zone Bikanga, dans la commune Moukike, il y a eu un incident où, dans un enclos chez Libère, des vaches sont mortes suite à, je dirais, intoxication, parce qu'on ne peut pas dire empoisonnement, parce que les enquêtes jusqu'à présent ne montrent pas qu'il y a quelqu'un qui aurait empoisonné ces vaches. Donc, il y a eu des vaches mortes. Et les autres quatre sont toujours vivants. Est-ce que on peut confirmer que cela ne serait pas lié au conflit entre les éleveurs et agriculteurs? Non, les informations que nous devons sur les administratifs, le chef de colline ainsi que le chef de zone nous disent qu'il n'y a pas eu de conflit entre les familles voisines. Donc on peut confirmer que ces vaches n'ont pas été empoisonnées? Oui. Est-ce que les vétérinaires ont entamé des enquêtes et où en sont les résultats? Oui, donc le vétérinaire communal s'est rendu sur le lien avec l'OPJ. Le vétérinaire a avoué que ce n'est pas empoisonnement. Peut-être l'intoxication qui est venue n'importe où, ou bien dans l'eau que ces vaches ont consommé ce jour. Et même l'OPJ continue les enquêtes en attendant les résultats de cette enquête. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Réapparition de longues files de véhicules et motos ce mercredi matin devant la seule station de la ville de Gitega qui pourrait servir le carburant de type essence. Cela arrive au moment où trois jours viennent de s'achever sans aucune goutte d'essence dans la ville de Gitega. Ces transporteurs demandent aux concernés de trouver vite un remède à cette situation. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Ce mercredi matin à Gitega, une seule station sur sept que compte cette ville est la seule qui pourrait servir le carburant de type essence. Cette situation fait qu'il se remarque de nouveau de longues files de véhicules et de motos, surtout ceux qui font le transport de biens et de personnes devant la seule station qui était en possession de ce produit et qui pourrait le servir. Ceci arrive au moment où il vient de se passer trois jours sans qu'il y ait une goutte d'essence dans la ville de Gitega. Ceux qui font le transport des biens et des personnes contactées affirment que la majorité d'entre eux a laissé les véhicules et motos à la maison, étant donné qu'au marché noir, le litre d'essence coûte 4000 francs bout, ce qui fait sur l'assiette, ils travailleraient à perte. Les taxis motards, quant à eux, indiquent que le ticket varie selon la distance à faire. Tenez, une course qui se paye 500 francs, on ajoute 200 francs, et celle qui était à 1000 francs se paye actuellement 1500 francs bout. Les transporteurs s'indignent contre le comportement de certains propriétaires de stations à Gitega qui distribuent ce produit à compte-gouttes. Ils leur accusent de cacher ce produit pour faire des spéculations. Tous ces transporteurs demandent aux concernés de trouver vite un dénouement à cette pénurie, faute de quoi la vie va se compliquer d'ici peu pour eux. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Les habitants de la colline Ndava, commune Gisozi de la province de Mwaro, sont menacés par un ravin qui s'est creusé tout près de leur maison. Ces habitants disent que ce ravin a été creusé par des eaux de pluie en provenance du mont Gitara, surplombant cet endroit. Ces habitants s'inquiètent que ce ravin pourrait détruire leur maison parce qu'il s'agrandit à chaque fois que la pluie tombe. L'administration communale dit qu'elle est au courant de cette situation, mais qu'elle n'est pas en mesure d'y remédier. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. Ce ravin est d'environ 100 mètres de profondeur et 50 mètres de largeur. Les habitants de la colline Ndava où se trouve ce ravin se disent inquiétés par le fait que leurs maisons pourront être détruites parce que le ravin s'agrandit à chaque fois que la pluie tombe. Ce ravin se creusait suite à l'érosion. L'eau ruisselait en provenant de cette montagne Gitara et c'était comme une chute d'eau. Là-bas, dans la vallée, les cultures sont détruites, on n'y cultive plus. Alors que c'est là où on trouvait de quoi mettre sous la dent, nous sommes désespérés. Ici où vous voyez la route, il y avait une maisonnette. Nous l'avons détruite pour céder le passage aux véhicules. Si vous approchez et que vous regardez à l'intérieur, vous perdez l'équilibre. Ce ravin fait beaucoup peur. Si une vache va brouter, on doit être attentif. Les enfants, on les surveille de près. Quand nous allons dans des fêtes, on est obligé de les enfermer à l'intérieur de la maison de peur qu'ils ne tombent pas dedans. L'administrateur de Gisozi, Urdendayuundi, affirme que la commune est dans l'incapacité de résoudre ce problème, mais qu'elle a contacté les échelons supérieurs. Il y a 7 ménages qui sont beaucoup menacés. On les a contactés pour voir ce qu'on peut faire, même si on ne le voit pas rapidement. On leur conseille d'abord de bien garder leurs troupeaux et leurs enfants. Mais en premier temps, nous avons tracé des courbes de niveau sur la montagne que vous avez vue et nous l'avons aussi reboisée. Aussi, nous avons interdit définitivement la population d'enlever des pierres sur cette montagne. Les habitants nous ont adressé des correspondances, mais comme la commune n'a plus le droit d'octroyer des parcelles, nous avons contacté les autorités hiérarchisées et nous pensons que bientôt une réponse leur sera donnée. Vous saurez que ce ravin a commencé à se manifester à cet endroit il y a à peu près 5 ans. Toujours dans les nouvelles de Provence, la planification triennale est en cours de vulgarisation sur certaines collines des communes Mwakiro et Muyinga à travers une approche dite PIP, plan intégré paysan pour la direction de l'agriculture à Muyinga. Cette planification permettra aux ménages de changer leurs pratiques de production afin de lutter contre la pauvreté. Les détails dans cette correspondance de Dieudonné Nzeiman. Mboniongana, pour dire je vois où je vais, c'est le nom que se donnent les paysans engagé dans la planification dans les ménages, tel Amine Guilimana, un cultivateur d'Ogitanga, commune Muyinga. Celui-ci a intégré la planification dans son ménage. Avec les membres du ménage, il fait l'analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités. Il dresse l'image actuelle du ménage et fait une projection sur 3 ans. De là, les membres décident les activités à faire pour atteindre les objectifs. Amine essaie d'avoir transformé son agriculture vivrière en agriculture moderne, rentable. Ses champs sont protégés contre l'érosion et l'élevage est fait en étable. Dans la planification, le ménage compte sur ses propres forces, pas d'improvisation d'activité, pas de gaspillage. Réalité aussi, sur une dizaine de collines des communes Muyinga et Mwakiro, où l'organisation Réseau des Mille Prix a développé l'approche dite PIP, Plan Intégré Paysan, une approche familiarisant les populations à planifier. Le rêve des paysans devient réalité à voir le développement des activités agro-pastorales, reconnaît Roger Sendeguia, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga. Quand on ne connaît pas où aller, on ne sait même pas de provisions à prendre pour y arriver, fait-il constater. C'est une approche qui devrait être généralisée d'après son directeur, indiquant par ailleurs que dans les communes d'Ogiteragne et Butiyinda, une approche du genre a été testée avant, les paysans pérennisent les acquis des projets. Dieudonné Nzeimana, Dominga pour la radio, Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le métier de maquilleur professionnel peut faire vivre ceux qui le pratiquent. Cela est confirmé par Alida Iranzi, surnommée Alida Makeup, qui vient de faire plus de 10 ans dans ce métier. Elle indique qu'en période de fête, elle peut gagner jusqu'à 300 000 francs burundais en maquillant les femmes et les jeunes filles. Reportage d'Alida Ndaikeza. Dans un salon de coiffure où travaille Alida, un peu de musique résonne à l'oreille, ce qui ne l'empêche pas d'épiler et maquiller une cliente d'une quarantaine d'années. Cette femme indique être venue sous suggestion de sa fille car elle appliquait mal le crayon de maquillage et souhaite se faire belle. Ce désir est comblé par Alida Iranzi, une maquilleuse professionnelle. Elle dit que cela fait une certaine période qu'elle exerce ce métier. J'ai commencé le métier de maquilleuse professionnelle il y a maintenant 3 ans, mais ça faisait près de 10 ans que je faisais le maquillage. L'idée est venue du fait que je voyais que les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas assez bien maquillés que ce que je voyais à la télé, dans les films, et j'ai essayé de copier ce que je voyais. Une fille rencontrée dans son salon de coiffure dit se faire maquiller pour ressortir son côté féminin. Avant, je ne me maquillais pas du tout. J'ai ce côté masculin du point de vue de caractère et même dans ma démarche. La maquilleuse d'ici m'a un jour proposé de me maquiller pour que je me fasse l'idée à quoi je ressemble quand je me maquille. Depuis ce jour, je viens ici, elle me maquille, je me sens bien dans ma peau, je sors de ce côté féminin. Alida Iranzi fait savoir que ce métier lui permet de gagner de l'argent. Par jour, je peux avoir 350 000. Les produits cosmétiques sont très très chers et du coup, si on les achète ici, c'est trop cher. Pour l'instant, j'ai quelques amis qui sont à l'étranger. Là-bas, le prix, c'est un peu moins cher qu'ici. Une cliente en attente de se faire maquiller indique quant à elle qu'elle n'est pas réticente à payer l'argent qui lui est demandé. Le maquillage au Burundi n'est pas encore quelque chose qui est trop connu et que les gens sont un peu réticents quand il s'agit de prix, mais moi je dirais que c'est quand même c'est abordable et je dirais même que c'est moins cher si on compare avec les autres pays. Et aussi du point de vue personnel, le prix et le service, peu importe le prix, je paye et le service est bon. Alida Irandi voit le maquillage professionnel comme un métier prometteur s'il est exploité par beaucoup de monde. À la source, reportage. La population du secteur Rukana en zone et commune Rugombo se dit menacée par la pauvreté suite à la destruction de leurs champs par le soleil auxquels se sont ajoutées les chenilles légionnaires qui ont ravagé les champs de maïs. Au sein de l'administration provinciale en province de Chibitoke, on n'en nie pas cette pauvreté qui frappe certains ménages de la province. Rubin Tobirabe, conseiller économique du gouverneur de cette province, fait remarquer que cette population s'est illégalement établie dans des propriétés qui appartiennent à la COGERCO. Toutefois, il fait savoir que cette situation est en train d'être analysée pour y apporter une solution adéquate. Ce reportage est signé Charles Makoto. Rugomero, c'est une localité de la sous-colline Miduha. C'est un village situé à peu près 1 km de la rivière Rusizi. Nous sommes en zone commune Rugombo. Cette localité abriterait autour de 350 ménages. La population de cette localité s'est dit menacée par la pauvreté. Itangisha Kabenita, c'est une fille de 17 ans. Elle ne va pas à l'école. Elle nous fait entrer dans leur maison d'une superficie d'environ 3 mètres sur 5 et d'une hauteur avoisinante 1,5 mètres. Elle est composée de 2 pièces, le salon et la chambrette, pour une famille de 7 personnes, dont 5 enfants. La porte est faite de petites branches connues sous l'appellation de Dusugusugu. Les enfants passent la nuit au salon, couverts d'un pagne sous le froid. Nous avons une seule pagne servant de couverture dans le froid pendant la nuit. On serait croqueville. On n'a pas le choix. Franchement, nous vivons dans des conditions pénibles à cause de la sécheresse. Si on reçoit un mètre sous la dent pour le déjeuner, on doit gérer pour avoir à manger pendant la nuit. On mange au lance-pierre. Cette pauvreté, explique Benita, est due à la sécheresse qui a frappé cette localité qui se trouve près de la rivière Rusizi. Et comme le malheur ne vient jamais seul, la chenille est légionnaire est venue empirer la situation. Elle fait savoir qu'ils ont du mal à trouver quoi mettre sous la dent. Yamoulemie Félix, âgé de 35 ans, il est père de 3 enfants. Il dit vendre un bidon de 20 litres de la boisson locale, dit Ouguagua, pour subvenir aux besoins de sa famille. Soulignant que la pauvreté sévit dans différents ménages de l'endroit, il indique cependant que ça lui permet de soulager sa famille de la faim. Je travaille ici pour pouvoir nourrir mes enfants. Quand je reçois un petit bidon de bière de banane, je vends en détail. Cela m'aide beaucoup parce que parfois, je peux avoir d'autres clients. Actuellement, comme les bananes ne sont pas abondantes, je peux vendre 2 ou 3 bidons par semaine. Par exemple, quand j'achète un bidon à 12 000 francs, je peux enregistrer un bénéfice de 3 000 francs. La vie est dure ici, suite à la sécheresse. Au moment où la population de Rugomero affirme être native de cette localité, Ribet Tubirabe, conseiller économique du gouverneur de la province de Cibitoke, dit qu'elles proviennent des différentes communes de la province et qu'ils sont arrivés dans cette localité à la quête du travail dans les champs de la Cogerco. La Cogerco donnait une place pour construire une hutte à la personne qui est en train d'être cultivée du coton. Mais par après, l'homme qui était venu sert, il est rentré chez lui, il a amené sa femme et ses enfants. Vous comprenez là, que Cogerco n'avait pas donné une place pour l'intégration de cette famille. Que cela nous tienne. La province, la commune, nous sommes préoccupés par cette situation et nous voulons que ces gens-là soient installés afin qu'ils puissent bénéficier de tout le nécessaire dans la vie quotidienne. Au moment où cette population crie au secours, Ribet Tubirabe indique que leur situation est connue au niveau de l'administration provinciale et fait savoir que bientôt elle aura une issue favorable. Charles Makoto, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Eric Ouimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nouimana, nous souhaitons de passer un bon après-midi.